Bé, retiens plus d'écrire, s'écrire, c'est rare, délire, des belles, des rimes qui écrit, ce qui est celle de The Freestyle à 151 tape, j'affûte mon pic, le beat, je t'affiche mon pen, pet, j'suis get, car mon XD va bien, tout comme la sauce végie qui tranquille fait son chemin, c'est chaud, parfois ça chaud, ce chant vous se chante, toute l'année vert comme été dans la brochant, belle vue en nos pères, home studio, nos tableaux, 3 ans que 3 lettres me collent à la peau, la musique, notre exutoire, la famille, les potes, leur dit qu'on a hâte de retrouver chaque soir. Je dédicace à toutes mes connexes, à tous ceux qui me connaissent. Le petit c'est franc capable de vraies prouesses. Le mal m'apporte beaucoup, le soutien, les sourires. Je fais gaffe à pas boire le verre de trop. Ils peuvent retirer les chaînes de la porte, pas nous obliger à jouer pour eux. Nous avons tous décidé de finir ce que vous avez commencé, monsieur. Ça fait 7 piges que je rappe, 6 piges que je gratte. Achète tes claques, la main à la page, mes patchs, mes claques. J'en démarque mes coups francs dans ce semblant de douce France qui s'effondre. Où l'on pousse et fonce vers tes rêves qui froissent, qui demandent force. Et nos souvenirs s'effacent, l'avenir en face. On s'efforce et le tableau se fond. Ce monde si néfaste me dit pas c'est faux. Juste envie de dire, la paix serait-elle une farce? Je termine sur ces mots, juste envie de dire, la paix serait-elle une farce? C'est deuxième pour sa démo. Ouais ouais, écoute, deuxième Tozo, j'suis toujours Al. Ouais ouais, juste envie de dire, c'est pour la